Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 3. Woonsocket, Rhode Island. Environ 30 étudiants sont partis de Woonsocket lundi dernier pour se rendre à leurs études dans les collèges au Canada. Mademoiselle Leonie C. White est partie lundi dernier pour le couvent de West Farnham, Canada, où elle a accepté une position comme professeure de différentes branches d'instruction, y compris la musique. Monsieur Flavien Racicot, actif agent de notre journal à Slatersville, visitera nos abonnés de ce village et des localités environnantes la semaine prochaine. Tous ceux qui doivent ce journal sont priés d'en prendre note. La manufacture Hamlet a recommencé ses travaux lundi dernier. Il a été fait plusieurs améliorations à cette manufacture ainsi qu'au village pendant ces derniers temps. La sécheresse a tellement fait baisser l'eau de Slatersville que deux fabriques de coton ont dû suspendre leurs travaux et que la troisième est sur le point d'en faire autant. Plusieurs familles paraissent disposées à chercher de l'occupation ailleurs. Une école commerciale vient d'être ouverte dans le sous-bassement de l'église du Précieux Sang sous la direction d'un prêtre catholique. Le but du révérend Père Doré et d'établir une institution d'éducation où toutes les branches nécessaires à la vie d'un homme d'affaires seront étudiées dans les langues anglaises et françaises. La tenue des livres, l'arithmétique, la correspondance seront les études principales. Une école du soir sera aussi établie en rapport avec celle du jour. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.